الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. Toujours dans la traduction et les quelques commentaires du livre تيسير العلام شرح عمدة الأحكام, un livre de l'imam Abdulghani al-Maqdisi et une explication de Sheikh Abdullah al-Bassam rahimahullah ta'ala. La semaine dernière on avait expliqué quel hadith comment prier sur le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, et on avait également cité le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu dans lequel il y a l'invocation à dire à la fin du tashahhud avant le salam. Et je vous avais dit que je n'oublierai pas de vous redemander le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, entre autres le tashahhud d'Abdullah ibn Mas'ud, qui est le tashahhud le meilleur et le plus authentique, qui en une semaine, c'est-à-dire 7 jours, c'est-à-dire 7 fois 24, ça fait combien d'heures? Ça fait combien d'heures 7 fois 24? 168 heures, mashallah. 168 heures, sachant que dans une heure il y a 60 minutes, dans une heure on peut dire aussi qu'il y a 3600 secondes, donc ça fait, mashallah, un temps non négligeable. Qui pendant tout ce temps-là a pu apprendre le tashahhud de Abdullah ibn Mas'ud? Tadal. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا والعباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحسنت, بارك الله فيك. Même si vous n'avez pas pris le hadith, au moins le tashahhud. Qui d'autre? Tous les regards se baissent, chacun regarde la feuille, il y en a même qui n'ont pas de feuille, mais ils regardent quand même en bas. Un seul qui a pris le tashahhud? Non? Pour le connaître, il faut l'apprendre. Khair, Inch'Allah. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu, que je ne vous ai pas motivé. Taïb. يقول المؤلف رحمه الله الحديث التاسع عشر بعد المئة عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه رضي الله تعالى عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم رواه البخاري ومسلم. Le 119e hadith selon Abdullah ibn Amr ibn al-As. Il rapporte d'Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu qu'il a dit, c'est-à-dire Abu Bakr radiallahu anhu, qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, enseigne-moi une invocation par laquelle je pourrai invoquer pendant ma prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dis, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ô Allah, j'ai été injuste envers ma personne très souvent. وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتِ. Et personne ne pardonne les péchés que toi. Pardonne-moi alors un pardon venant de toi et fais-moi entrer dans ta miséricorde car tu es celui qui pardonne et qui est miséricordieux. رواه البخاري ومسلم. المعنى الإجمالي. طلب أبو بكر الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء ليدعو به في صلاته فأرشده صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء النافع لأنه اشتمل على الأسباب النافعة لحصول الإجابة، فقد افتتح بالاعتراف بالظلم الكثير لنفسه والتقصير منها في جانب حق الله تعالى، ثم إفراد الله تعالى بإسداء المغفرة والستر والإحسان. وهذا يتضمن صدق الإلجاء وحرارة الطلب، وبعد هذه التوسلات النافعة طلب منه المغفرة وحده، لأنه لا يقدر عليها غيره ولا يجزل بهتتها سواه. وفي هذا طلب ستر الذنوب والسماح عن الزلات. بعد هذا سأله الرحمة التي هي الخير الكثير، وختم هذا الدعاء بالتوسل إليه بصفاته الكريمة، فإنه ما اتصف بالعفو والرحمة إلا ليجود بهما على عباده، لا سيما المقبلين عليه الملتجئين إليه. Le sens général du hadith. Abu Bakr radiallahu anh a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui enseigner une invocation par laquelle il invoquerait pendant sa prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a alors dirigé à invoquer par cette invocation bénéfique qui comporte des causes bénéfiques pour acquérir l'exaucement. Donc Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette invocation qu'il a enseignée à Abu Bakr radiallahu anhu, cette invocation comporte les moyens qui permettent aux musulmans d'acquérir l'exaucement de ces invocations. Il a tout d'abord commencé cette invocation en reconnaissant les nombreuses injustices que l'on a fait envers nous-mêmes et notre manquement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, la reconnaissance, de reconnaître son péché. Puis, de considérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à qui l'on peut demander le pardon des péchés, la bienfaisance et le fait de cacher nos péchés. وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Ici, premièrement, tu admets ton péché. Ensuite, tu demandes à Allah et à Allah seul. وَهَذَا يَتَضَمَّنُ صِدْقَ الْإِلْتِجَاءِ وَحَرَارَةَ الطَّلَبِ. Et ceci, de dire ces paroles, mais la personne dans une situation dans laquelle il est véridique en s'en remettant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après avoir utilisé ces moyens bénéfiques par lesquels le musulman se rapproche d'Allah azza wa jal, c'est alors qu'il demande le pardon à Allah seul. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant. Là, tu as fait une introduction dans laquelle tu admets ton péché et tu reconnais qu'Allah Azza wa Jalla est le seul qui pardonne, et c'est là où tu fais ta demande. C'est là où tu demandes le pardon à Allah seul, car personne d'autre ne peut te l'accorder que lui. Et après avoir, et après cela, il demande à Allah sa miséricorde, qui est le bien abondant. Warhamni. Et il clôture cette invocation en prononçant ou en utilisant des moyens qui rapprochent d'Allah, at-tawassul, par des attributs nobles d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont le pardon et la miséricorde. Car Allah Azza wa Jal est doté de ses attributs, du pardon, de la miséricorde, de l'indulgence, al-afu, ça c'est plus l'indulgence et la miséricorde, que pour qu'Allah Azza wa Jal en fasse profiter ses serviteurs, et notamment les serviteurs qui reviennent à lui et s'en remettent à lui, subhanahu wa ta'ala. ma yukhadhu min al-hadith. Ce que l'on retient de ce hadith. Awalan istihbabu hada ad-du'a fi as-salat. Premièrement, qu'il est recommandé de dire cette invocation pendant la prière. Thaniyan, حسن الدعاء وتناسبه. قال الصنعاني ولا يخفى حسن هذا الترتيب في الدعاء فإنه قدم نداء الرب واستعانته ثم الاعتراف بالذنب والاعتراف به أقرب إلى محوه ثم الإقرار بالتوحيد لله وحصر قضاء هذه الحاجة وهي غفران الذنب عليه وقصر الطلب عليه أقرب إلى الإجابة ثم سؤال غفران الذنوب والرحمة التي لا يخرج فيها شيء من أمور الدنيا والآخرة ثم الختم لهذا الدعاء بهذين الاسمين. Deuxièmement, ce que nous retient également, c'est la beauté de cette invocation et la façon dont elle est structurée. Al-Imam al-San'ani rahimahullah a dit, et la beauté de cette succession dans l'invocation n'échappe pas. Il a précédé, c'est-à-dire le professeur sallam, l'appel d'Allah et la demande de son aide en disant Allahumma. Lorsque tu dis Allahumma, tu, comme c'est l'unanimité des savants, Allahumma signifie Ya Allah. Puis la reconnaissance du péché. Puis la reconnaissance et le fait de reconnaître un péché est plus propice à ce qu'il soit pardonné. Puis la reconnaissance de l'unicité d'Allah et que c'est le seul qui peut pardonner le péché. Et le fait de restreindre cette demande à Allah Azzawajal également est plus propice à ce que cette demande soit exaucée. Puis de demander le pardon des péchés et la miséricorde qui englobe toute chose dans cette vie, d'ici-bas et dans l'au-delà, puis de terminer, de clôturer cette invocation par ces deux noms, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir Al-Ghafuru Al-Rahim. Thalithan, innahu yanbaghi li kulli da'in an yaftatiha du'a'ahu bil-i'tiraf bil-'ajzi wat-taqsir wadh-dhulm ثم يثني على الله عز وجل بأنه صاحب الطول والحول ثم يقدم حاجته ثم يختم دعاءه بشيء مناسب لدعائه من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأن يكون تعرضه لله تعالى يناسب المقام الذي يريده. Troisièmement, qu'il est demandé à toute personne qui invoque d'ouvrir et de commencer son invocation en reconnaissant sa faiblesse, son manquement et son injustice. Puis, de faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est celui qui est doté de la richesse et de la puissance subhanahu wa ta'ala. Puis, présenter sa demande. Puis, terminer sa demande et son invocation par ce qui est en rapport avec son invocation parmi les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi'an, non? Répétez tout ça. Taïb, je répète à partir d'où? De reconnaître sa faiblesse, son manquement et son injustice. Puis de faire les éloges d'Allah azawajal. En disant, entre autres, qu'Allah Azzawajal est celui qui est doté de la richesse et de la puissance. Puis de présenter sa demande. Puis de clôturer cette demande ou cette invocation par, en citant les noms d'Allah les plus beaux et ses attributs les plus parfaits qui ont un rapport avec cette demande. Dans l'invocation ici que le prophète sallam enseigne à Abu Bakr, il demande le pardon et il termine l'invocation par Al-Ghafuru Al-Rahim. Donc, il faut que le nom ou l'attribut que tu cites d'Allah Azza wa Jalla soit en rapport avec ta demande. Rabi'an, fiqh al-Siddiq radiyallahu anhu. Idh alima anna as-salata mawtin al-ijaba. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار له دعاء لهذا المقام الكريم. Quatrièmement, on retient de ce hadith la bonne compréhension, la bonne et grande compréhension d'Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu de la religion. Lorsqu'il a su que la prière était un moment d'exaucement. Parce qu'il sait que la prière est un moment d'exaucement, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui choisir une invocation qu'il dirait dans ce moment béni. خامساً قال ابن دقيق العيد لعل الأولى أن يكون موطن هذا الدعاء في السجود أو بعد التشهد فإنهما الموضعان اللذان أمرنا فيهما بالدعاء قال عليه السلام وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء وقال في التشهد ويستخير بعد ذلك من المسألة أي الدعاء ما شاء وذكر الفكهاني أن الأولى الجمع بينهما. Cinquièmement, l'imam Ibn Daqiq al-Aid, rahimahullah, a dit, et il est fort probable que le meilleur moment dans lequel on puisse dire cette invocation est pendant l'invocation ou après le tashahhud. Car ce sont les deux moments dans lesquels il nous a été ordonné d'invoquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et quant au sujoud, fajtahidu fihi bid-du'a, et quant à la prosternation, alors faites des efforts pendant celle-ci en invoquant. Le hadith est rapporté par Muslim, entre autres. Et dans le tashahhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et qu'il choisisse après cela des invocations, ce qu'il veut. Qu'il choisisse, c'est-à-dire le prieur, après cela, c'est-à-dire après le tashahhud, des invocations, ce qu'il veut. Et le hadith est rapporté par Muslim, An-Nasa'i, Abu Daoud et Ahmed dans son Musnad, rahimahumullah. Et Al-Fakahani a dit, et le mieux est de rassembler entre les deux, c'est-à-dire de dire cette invocation, à la fois dans la prosternation et à la fois dans après le tashahhud. Sadisan, ولا يغفر الذنوب إلا أنت. قال ابن دقيق العيد إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها من عند الله لا يقتضيها سبب من عمل حسن أو غيره. Et personne ne pardonne les péchés autre que toi. Et ici, l'imam Ibn Daqiq al-Aid, rahimahullah, a dit, il y a dans cela un signe sur le fait que l'on demande à Allah azawajal un pardon venant de sa part sans contrepartie parmi des œuvres pieuses ou autres. طيب الحديث العشرون بعد المئة le 120e حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي رواه البخاري ومسلم وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي رواه مسلم سنو عائشة رضي الله عنها الجي كبخي que soit révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam surat al-Nasr, surat la victoire, lorsque la victoire d'Allah vient et son ouverture, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la révélation de cette surat, n'a pas fait une prière sans qu'il n'ait dit dans celle-ci Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik. Gloire à toi, ô Allah, notre Seigneur, par ta louange. Ô Allah, pardonne-moi. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une autre version, Aisha radiallahu anha a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait souvent dans ses recours et ses sujouds, dans ses inclinaisons et ses prosternations, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik. Gloire à toi. Et lorsque l'on dit Subhanak, tu demandes ou tu attestes qu'Allah Azza wa Jal est exempt de tout défaut et de tout mal. Ô Allah, notre Seigneur, par ta louange, ô Allah, pardonne-moi. المعنى الإجمالي سورة النصر نزلت قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان نزولها مؤذنا بوفاته ولهذا ذكرت عائشة رضي الله عنها أنها حينما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يتأولها بالعمل فإن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها أنه إذا حصل فتح مكة وصارت بلادا إسلامية وعرف الناس دين الله وشرائعه وأقبلوا عليه راغبين فيه غير مكرهين فإنك أيها الرسول تكون قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونفذت ما أمرك الله به فلم يبق إلا أن تختم هذه العبادة الجليلة بالاستغفار والتسبيح والاستعداد للقاء الله تعالى فكان صلى الله عليه وسلم يكثر ذلك في سجوده وركوعه فيقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فهذه الكلمات جمعت تنزيه الله تعالى عن النقائص مع ذكر محامده وبعد هذه التوسلات بهذه النعوت الجليلة يطلب منه المغفرة فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة. Le sens général du hadith. Sourate al-Nasr, sourate la victoire, a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam peu de temps après avant sa mort. Et la révélation de cette sourate était un appel de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela que Aïcha radiallahu anha a cité que lorsque cette sourate a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interprétée par des actions. Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans cette sourate que lorsque la Mecque aura été conquise et reprise par les musulmans et que la Mecque devienne, et lorsque la Mecque deviendra et qu'elle devienne un pays islamique et que les gens connaîtront la religion d'Allah et sa législation, et qu'ils accourront vers celle-ci avec attirance, sans y être forcés, car Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate An-Nas, « Idha ja'a nasrullahi wal fath » lorsque la victoire d'Allah et son ouverture vient, autrement dit de la Mecque. « Wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja » et que tu vois les gens entrer dans la religion par groupe. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ. Glorifie alors ton Seigneur et proclame sa louange. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. C'est lui qui pardonne beaucoup, subhanahu wa ta'ala. Donc si Cheikh Abdullah al-Bassam dit, lorsque la victoire de la Mecque sera acquise, et qu'elle deviendra un pays islamique, et que les gens connaîtront la religion d'Allah et sa législation, et qu'ils accourront vers celle-ci avec attirance, non en en ressentant du mépris ou en embrassant l'islam par contrainte. Tu seras alors au prophète. Tu auras alors transmis le message. Et tu auras restitué le dépôt. Et tu auras appliqué ce qu'Allah t'avait ordonné de faire. Il ne te restera alors que de clôturer ces adorations par la demande de pardon et par la proclamation de la grandeur d'Allah et en se préparant à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant ses prosternations et ses inclinaisons, disait: que tu sois purifié, ô Allah, notre Seigneur, louange à toi, ô Allah, pardonne-moi. Fasabbih bihamdi rabbik, le prophète sallam disait, subhanakallahum, wastaghfirhu, et le prophète sallam disait, Allahumma, ghafirli. Fahadi al-kalimat, ces paroles rassemblent entre le fait d'exempter Allah de tout défaut. Parce que tu dis subhanakallahum, ou Allah que tu sois glorifié, c'est-à-dire que tu nies à Allah tout défaut. Ma'a dhikri mahamidi. Donc, ces invocations rassemblent entre le fait de nier à Allah tout défaut et en citant ses louanges. Et après ces moyens utilisés pour se rapprocher d'Allah azawajal, par ses qualificatifs nobles, alors ensuite il demande le pardon. Car Allah azawajal est celui qui doit être craint, et c'est le seul à qui l'on demande le pardon, subhanahu wa ta'ala. Al-ahkam al-mustanbata min al-hadith. Ce que l'on retient du hadith comme jugement. Awalan, استحباب الإكثار من هذا الدعاء في الركوع والسجود. Premièrement, qu'il est recommandé de dire à plusieurs reprises cette invocation dans le ruku et dans le sujud, dans l'inclinaison et pendant la prosternation. ثانيا أن تختم العبادات وخصوصا الصلاة بالاستغفار ليتدارك ما حصل فيها من النقص. Deuxièmement, de clôturer les invocations. Et de façon plus particulière, la prière, de la clôturer par quoi? Par la demande de pardon. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait, qu'est-ce qu'il disait à trois reprises? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. لِيَتَدَارَكَ مَا حَصَلَ فِيهَا مِنَا النَّقْصِ. Afin qu'il se rende compte de ce que cette prière comportait comme manquement. Thalithan, inna ahsana ma yatawassalu bihi ila Allah fi qabul ad-du'a huwa dhikru mahamidihi wa tanzihihi 'ani an-naqais wal-'uyub. Troisièmement, l'un des meilleurs moyens que tu puisses utiliser pour te rapprocher d'Allah afin qu'il accepte et exauce ton invocation et de citer ses louanges et d'exempter Allah Azza wa Jal de tout défaut. Rabi'an, inna al-muta'abbid bihima harasa ala hifz 'ibadatihi fala yanbaghi an ya'mana min az-zalal wa an-naqs fiha. Celui qui utilise ces moyens, à savoir al-mahamid, de proclamer la louange d'Allah et de l'exempter de tout défaut, est une personne qui s'efforce de préserver ses invocations. Il ne lui est donc pas permis d'être à l'abri d'erreurs ou de défauts dans celles-ci. Le fait que tu demandes à Allah azawajal, que tu proclames sa louange et que tu l'exemptes de tout défaut, ne doit pas faire en sorte, au fur et à mesure du temps, que tu penses que tes adorations sont préservées de l'erreur ou du défaut. Khamisan, fadilatul istighfar wa talabihi fi kulli hal. Cinquièmement, le mérite de demander le pardon et que la demande de pardon se fait dans toutes les situations. Se fait dans toutes les situations. Car les situations les plus habituelles dans lesquelles on demande à Allah Azza wa Jalla le pardon sont lesquelles? Naam? Après un péché. Après avoir désobéi à Allah Azza wa Jalla, c'est là où on dit Astaghfirullah. Mais même après avoir fait l'une des meilleures des adorations qui est la prière, il faut aussi demander à Allah Azza wa Jalla le pardon. Ainsi, cela prouve que de demander le pardon se fait dans toutes les situations, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Qu'elles soient mauvaises pour qu'Allah Azza wa Jalla pardonne le mal, et lorsqu'elles sont bonnes pour qu'Allah Azza wa Jalla nous pardonne les manquements, car les adorations et surtout la prière ne peuvent être faites de façon parfaite. Il y aura toujours un défaut, un manquement quelque part. سادسا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المشهور عن الإمام أحمد أنه لا يدعو في الصلاة إلا بالأدعية المأثورة وصرف التخيير في قوله ثم ليختر من الدعاء ما شاء إلى أن يختار من الأدعية التي وردت في الخير وحينئذ فالدعاء المستحب هو الدعاء المشروع أما إذا دعا بدعاء لا يعلم أنه مستحب أو علم أنه جائز غير مستحب فإنه لا تبطل صلاته بذلك وقد حصل مثل هذا من بعض الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه وإنما نفى ما له فيه من الأجر. Sixièmement, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a cité que ce qui est le plus connu de l'imam Ahmad rahimahullah est qu'on invoque dans la prière qu'en disant des invocations rapportées dans la sunna, et que la parole du prophète sallam est qu'il choisisse des invocations ce qu'il veut, et ceci le prophète sallam l'a dit après le tashahhud qu'il choisisse des invocations ce qu'il veut, que cette parole du prophète sallam, c'est-à-dire qu'il choisisse des invocations qui ont été rapportées ce qu'il veut. Ainsi, l'invocation qui est recommandée est l'invocation qui est légiférée. Et quant à invoquer par une invocation dont on ne sait pas qu'elle est préférable, ou dont on ne connaît pas ou dont nous n'avons pas de science à savoir qu'elle est autorisée mais pas recommandée, cela n'annule pas la prière. Car cela a eu lieu ou a été dit par certains compagnons pendant le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur fasse de reproche. Wa innama nafa ma lahu fihi min al-ajr, mais il a juste nié ce qu'ils ont comme récompense. Autrement dit, le mieux est de dire les invocations qui sont rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui regarde la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam verra que les invocations que nous a enseignées le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont extrêmement nombreuses. Ceci est une chose. Le mieux, là où il y a le plus de récompense, c'est de dire les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à celui qui veut dire une invocation de lui-même, cela est autorisé. Sa prière n'est pas annulée. Non. Mais il n'aura pas la même récompense que s'il disait une invocation rapportée dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Faïda, qala shaykhul islam ibn taymiyyata rahimahullah, wa amma du'a'u l'imam wal ma'mumina jami'an aqiba s-salat, falam yunqal hadha anin nabi sallallahu alayhi wa sallam, annahu yaf'aluhu fi aqabi s-salawati l-maktubat, kama kana yaf'alu l-adhkar al-ma'thurata anha. ومن استحبه من العلماء المتأخرين في أدبار الصلوات فليس معهم في ذلك سنة إلا مجرد كون الدعاء مشروعا وهو عقب الصلوات يكون أقرب إلى الإجابة وهذا الذي ذكروه قد اعتبره الشارع في صلب الصلاة فالدعاء في آخرها قبل الخروج منها مشروع مسنون بالسنة المتواترة وباتفاق المسلمين والمصلي يناجي ربه فالدعاء حينئذ مناسب لحاله أما إذا انصرف إلى الناس فليس موطن مناجاة له ودعاء وإنما هو موطن ذكر له وثناء عليه انتهى ملخصا. Une remarque de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Il dit, quant à l'invocation de l'imam et de ceux qui ont prié derrière lui ensemble après les prières, cela n'a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait après les prières obligatoires comme il faisait les rappels rapportés de lui sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait-il adhkar après les prières? Les rappels, il les faisait sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de hadiths dans ce sens. Ils ont levé les panneaux. Oui, vous voyez dans les mosquées les panneaux qui sont affichés où il y a tout ce qu'il faut dire après les prières obligatoires. D'accord? Il y a de nombreux hadiths. Est-ce que il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait une invocation en groupe, lui et ses compagnons? La réponse est non. Et ceux qui l'ont considéré recommandé parmi les savants contemporains, après les prières, ils n'ont avec eux aucune preuve dans la sunna, sauf le fait que ces invocations sont recommandées. Qu'elles sont légiférées. Et que, après la prière, elles sont plus propices à être exaucées. Donc, la preuve de certains savants qui ont autorisé cela, c'est-à-dire d'invoquer que l'imam et ceux qui ont prié avec, derrière lui invoquent ensemble après la prière obligatoire, ils ont deux preuves. La première, que les invocations sont légiférées, c'est-à-dire ce sont des invocations qu'a dites le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, je parle des termes et non pas du moment. Et deuxièmement, que après la prière, c'est un moment d'exaucement. La réponse est que ce qu'ils ont cité, les savants sont unanimes. Que le moment dans lequel les invocations sont exaucées, c'est à la fin de la prière, pas après la prière. C'est à la fin de la prière et non pas après la prière et ceci à l'unanimité des savants. Car pendant la prière, le musulman est en secret avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il converse avec Allah subhanahu wa ta'ala et est en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que l'invocation est recommandée pendant ce moment. Car quand tu es en prière, tu es en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque tu termines ta prière, tu es cette fois-ci en relation avec les gens. Et le fait de demander d'invoquer Allah azza wa jalla et de considérer ce moment comme préférable n'a plus lieu d'être car tu es sorti de ta prière. Mais c'est plutôt un moment, c'est-à-dire après la prière, dans lequel l'on fait le dhikr et dans lequel on fait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela est rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faïdatun ukhra, bina'an ala ma rujjiha min adami mashru'iyati al-du'a'i ba'da al-salami min al-salah, yadharu adamu mashru'iyati raf'i al-yadayni fi hadha al-mawtin, amma raf'u al-yadayni fi al-du'a'i fi mawatina ukhra, فهو مما جاءت به الأخبار والأحاديث الصحيحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة وقد ذكر البخاري طائفة من أحاديث رفع اليدين عند الدعاء في كتابه الأدب المفرد وقال الصنعاني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا منه رفع اليدين في الاستسقاء وفي الحج وفي غير ذلك، وحديث إن الله يستحي أن يرفع العبد يديه إليه فيردهما خائبتين، فمشروعية رفع اليدين عند الدعاء ثابتة بلا شك. Deuxième remarque de Cheikh Al-Bassam rahimahullah. En se basant sur ce qui a été dit précédemment, à savoir que l'invocation après la prière obligatoire n'est pas légiférée. En se basant sur cela, on peut dire également qu'il n'est pas légiféré de lever ses mains pendant ce moment, c'est-à-dire après la prière. Quant à lever ses mains pendant l'invocation dans d'autres moments, ceci a été rapporté dans des hadiths authentiques. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: quant au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains pendant les invocations, il y a de nombreux hadiths authentiques prouvant cela. Et al-Bukhari rahimahullah a cité une partie de ces hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains pendant l'invocation dans son livre Al-Adab al-Mufrad. Et l'imam al-San'ani, rahimahullah, a dit: il a été rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a levé ses mains dans l'istisra, dans la demande de la pluie. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, levait ses mains tellement haut que l'on voyait la blancheur de ses aisselles, sallallahu alayhi wa sallam. Que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a levé ses mains pendant le hajj, pendant le pèlerinage, à de nombreuses reprises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a levés sur Al-Safa et Al-Marwa. Pendant le Hajj, j'en parle. À Arafat, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains le jour de Arafat. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains. Non ? À Muzdalifa. Après le Fajr, entre le Fajr et jusqu'au moment où le soleil devient jaune. Également, Ar-Rami, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lapidait les trois stèles, il levait ses mains invoquées après avoir lapidé la première et, ou la petite et la moyenne. Quant à, après avoir lapidé la troisième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas d'invocation. Pendant tous ces moments, le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains pendant les invocations. Et d'autres hadiths et d'autres moments également rapportés où le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains, comme le frère l'a dit, pendant le wit, notamment pendant du'a al-qunut. Il était rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam également levait ses mains. Et le hadith général où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah a honte lorsqu'un de ses serviteurs l'invoque en levant ses mains de ne pas exaucer. Allah Azza wa Jalla a honte de ne pas exaucer l'invocation de son serviteur qui l'invoque en levant ses mains. Ceci prouve de façon générale qu'il est légiféré de lever les mains pendant les invocations et que cela a une source dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Mais la meilleure des voix et la voix de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi on lève ses mains quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam les levait. Si de temps en temps, lorsque tu invoques Allah azza wa jalla, tu lèves tes mains, il n'y a pas de mal, mais de prendre l'habitude de toujours lever ses mains pendant des invocations en lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas l'habitude de lever ses mains, cela est contraire à sa sunna sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.